بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى. أحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. كور نميرو 3 باب يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. إن شاء الله نرحل دون لا بويزي. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. الشيخ عليه رحمة الله comme à l'habitude de tous les auteurs dans la science a débuté sa manzouma, son poème, par Alhamdallah. A savoir que cette manzouma, à la base, comme on avait dit, c'était pas une poésie, comme c'était pas un poème, et il est venu après avoir écrit cet ouvrage là il est venu avec un poème pour faciliter le hifz de ce qawa'id là, et il a même fait un charh. Dans son manzouma, il n'a pas commencé bil basmala, habitude qui est contraire aux auteurs de l'islam, comme on a pu l'évoquer à travers la parole de Al-Hafidh Ibn Hajar alayhi rahmatullah dans les ouvrages qu'on a pu étudier auparavant. On a pu voir qu'il a dit istaqarrat 'adatul musannifin 'ala al-bad bil basmala. La coutume des auteurs s'est établi sur le fait de commencer les ouvrages et leurs rasa'il bil basmala, c'est-à-dire en disant bismillah ar-rahman ar-rahim. Lakin dans le charh du poème, il a commencé bil basmala. Faqala rahimahullah ta'ala bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah al-'ali al-arfaq. Donc à la coutume des ulama de l'islam, il a commencé son ouvrage là bil basmala, dans le charh, dans l'explication de son poème. Al basmala ma'rufa inshallah indakum. C'est le fait que تستعين بالله عز وجل متلفظا متبركا باسمه العظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعا به أجاب. C'est le fait de commencer de prendre l'aide auprès d'Allah عز وجل pour la chose que tu es en train d'entreprendre, en prononçant et en demandant la bénédiction du nom d'Allah عز وجل. Celui qui, lorsqu'il est évoqué, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce qu'il demande, et si jamais il lui fait une invocation, Allah subhanahu wa ta'ala exauce cette invocation-là, c'est-à-dire par l'intermédiaire de demander, même d'évoquer, de l'évoquer ou bien de l'invoquer, par l'intermédiaire de son nom, qui est le plus grand, qui est Ismuhu al-Azam, Lafzul Jalala, Allah. Wa ma'na al-ba dans al-basmala, comme on a pu l'évoquer, et c'est qawl ahl sunnati wal jama'a al-istihana, al-istihana wa kadhalika at-tabarruk, le fait de prendre, demander la bénédiction, et ça c'est madhhab ahl sunnah wal jamaa annahum yaquluna al ba fi al basmala c'est al isti'ana wa ma siwa dhalika fa wasawis al shaytan. C'est des paroles qui sont fondées sur des fausses aqidah. Amma ahammiyat al bad bi al basmala, comme on a pu l'évoquer à plusieurs reprises, le fait que tu prennes le refuge plutôt l'aide auprès d'Allah azza wa jal, c'est fait partie des choses les plus profitables et surtout les plus importantes, car tu ne peux conclure achever une chose que si jamais Allah Azza wa Jal il le veut, comme on a pu évoquer avec l'ayah wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Donc c'est une grande importance de commencer les choses en demandant l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a pu l'évoquer, kazalika ash-shaytan c'est un ennemi qui a juré de se mettre de barrer la route aux serviteurs dans tout ce qu'ils veulent entreprendre pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. Il a juré par Allah Azza wa Jal, par la عزة d'Allah Azza wa Jal, qui va détourner, séduire les serviteurs. إلا عبادك منهم المخلصين. Excepté ceux qui sont, que tu as élus, et qu'à tel cas dans une autre lecture, ceux qui sont sincères. المخلصين. Et qu'à tel cas, comme on a pu évoquer à travers le hadith, إذا قال العبد تعس الشيطان تعاظم حتى صار كالبيت وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم تصاغر حتى صار كالذباب. Lorsque l'arabe il prend l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal, et c'est ce qui lui est demandé afin de pouvoir être épargné de l'adversité de Shaitan, car il s'est juré de séduire et de détourner la descendance de Ibn Adam. Lakin s'il prend le serviteur l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal, et cela passe par le fait de formuler cette formule qui est le Bismillah, Basmallah, يعني الشيطان يسفي توبتي أما سجمي العبد يعني يركن إلى نفسي تمام يسفي sur ses acquis sur sa force ou إلى آخره الشيطان يبقى entrer directement en conflit avec lui تمام يبقى s'opposer à lui car il sait ou plutôt il a غلب الظن il a une présomption une forte présomption que il va l'emporter sur lui si jamais ce العبد il croit que par ses forces et ses acquis ça va le suffire pour être épargné de du mal de الشيطان. Donc, prendre l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, lorsque le nom de son nom est évoqué, Shaitan se fait plus petit qu'une mouche. Donc, ça va être, c'est une voie parmi les voies pour te permettre d'être épargné de l'adversité de Shaitan. Alladhi qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna shaytan lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. C'est un ennemi déclaré, prenez-le comme ennemi déclaré, c'est-à-dire, il faut se munir. Il faut se munir dans cette guerre, si on peut dire cela, virtuelle, entre toi et Shaitan. وحتى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تأملت في القرآن فرأيت أن أنفع الدعاء هو عون وطلب العون من الله عز وجل. J'ai vu الشيخ الإسلام dit que la dua qui était la plus profitable c'est de demander l'aide auprès d'Allah عز وجل. تمام. Et cette demande-là elle est présente dans la parole d'Allah سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. وأول من عرف ب Kitabat al-Basmala, celui qui a été connu pour cela, écrire al-Basmala dans ses lettres aux ouvrages, c'est Nabiyuna Sulayman, alayhi salatu wassalam. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, innahu min Sulayman, wa innahu bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Il n'y a aucun dalil qui prouve cela, lakin, comme l'a évoqué l'imam al-Qurtubi, alayhi rahmatullah, yani, c'est ce qui a été dit, que le premier qui a été connu d'avoir écrit al-Basmala parmi les créatures, c'est Nabiyuna Sulayman, alayhi salatu wassalam. وكما نايبوكي كذلك القرطبي والشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رحمهما الله تميزوا بكيك لعلماء سنتوس ينعني مصطلح قال القرطبي أجمع على كتب البسملة في أول الكتب والرسائل سنتوس ينعني كي يفو يكريها البسملة au début de chaque livre ou bien de الرسالة قال عليه رحمة الله الحمد لله العلي الأرفقي. Après qu'il ait demandé l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal, pour qu'il aide à conclure et pour que cette manzouma soit exempte, inshallah, de faute et qu'elle soit un profit pour l'islam et les musulmans, il a demandé ensuite, ou plutôt il a fait l'éloge d'Allah Azza wa Jal en disant Alhamdulillah. Et ça, kazalika, c'est la coutume du kitab et de la sunnah. Comme al-basmala kazalika, c'est une coutume de la kitab, du kitab et de la sunnah. Le kitab, il commence par le basmala. Wa kazalika, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il écrivait aux grands de ce monde, tamam, il écrivait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, min Muhammad ibn Abdillah ila Fulan ibn Fulan, aslim taslim. Comme ceci est venu du hadith Abi Sofyan. Et le hadith est mutawakkan alayhi. Kazalika, de faire suivre à la basmala alhamdala, le fait de dire alhamdulillah, ça fait partie de la coutume du kitab d'Allah Azza wa Jal. Naham fabada Allah Azza wa Jal, kitabahum bil basmala. Thumma thanna biyash alhamdala. Qala Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Donc il est bon de faire suivre les lettres. Les choses qui sont de grande importance, de la même manière que l'a fait suivre Allah subhanahu wa ta'ala son kitab, car il est qualifié comme étant كما قال سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. C'est un livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié que le faux ne l'atteint d'aucune part, il est inaccessible à l'erreur. Donc dans les cas, il est bon de faire suivre nos rasail, nos durus de la même manière que l'a fait Allah Azza wa Jal, en espérant qu'inch'Allah, ce sera une cause parmi les causes qui nous préserveront des erreurs et qui feront de nos œuvres qu'elles soient profitables, inshallah, pour l'islam et les musulmans. وتعريف الحمد لله تم كما هو معروف هو ذكر محاسن الممدوح تعظيما ومحبة في الأشياء الاختيارية. C'est le fait de faire l'éloge, d'évoquer les bons côtés de celui qui est loué avec par amour et par vénération. Et c'est d'évoquer les choses que la personne a fait les efforts pour cela. On ne parle pas des choses qui sont jibilliyah, qui sont de nature innée. Lakin, les Ashia qui sont quoi? Naham, taksibiyya. Que lui-même, il a fait les pas pour les acquérir. Donc, alhamdulillah, ma'rouf, c'est la sunnah du shakirin. Comme a dit Ibn Abbas, alayhi rahmatullah, wa radiyallahu an, qala, alhamdulillah, kalimatu kulli shakirin. C'est la kalima et l'emblème de tous les reconnaissants. Donc, ahlu sunnati wal jama'a, ils sont plus en droit de faire suivre à la basmala alhamdulillah lorsqu'ils écrivent. Ou font un dars ila akhirih, car ceci est la sunna des shakirin, de ceux qui sont reconnaissants. Wa fadl alhamdulillah ma'rufa, elle est énorme, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa alhamdulillah tamla'u al-mizan. Alhamdulillah, comme a dit al-naham, al-tuhur, shatr al-iman, wa alhamdulillah tamla'u al-mizan, al-hadith. Donc le fait de prononcer cette formule-là, comme l'a dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, pourquoi c'est, il y a tamla'u al-mizan, a rempli la balance des bonnes œuvres, car il dit, elle comporte des grandes valeurs qui font que cette balance-là ne peut que se remplir. Pour que la personne profite de cette énorme récompense qui est le hamdallah, c'est que sa langue, lorsqu'elle prononce cette formule, que son cœur y soit présent. Que son cœur y soit présent, il sache qu'est-ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire qu'il loue Allah Azzawajal pour ses bienfaits, il loue Allah Azzawajal pour sa seigneurie, il loue Allah Azzawajal pour ses asma wa sifat, il loue Allah Azzawajal pour son tawhid al-uluhiyya, il loue Allah Azzawajal pour le fait qu'il a fait descendre sur nous ce qui est à blanc. Il loue Allah Azzawajal pour le fait qu'il a fait descendre pour nous Nabi Rahmah. Et l'akhirihi, parmi les choses que lui-même Allah Azzawajal s'est proprement loué. Donc il loue Allah Azzawajal avec un cœur qui est présent. Et il le remercie de ses nombreux bienfaits qu'il lui donne, muhaqqaqa ou muqaddara, qui connaît ou qui ignore, qui sont à venir ou qui sont déjà passés. On peut évoquer, car on ne l'a pas fait dans les cours présents, al-farq entre alhamdallah, ou plutôt alhamd, wa shukr, wa al-madh. Alhamd, comme on a pu le voir, c'est de louer et évoquer les bons côtés d'une personne par amour et vénération. Amal madh, qui est le complément en français, c'est la même chose que alhamd, lakin c'est quoi? Bidoun et ta'azim, walash, walah mahabba. Tu l'évoques, ses bons côtés, lakin, pour un bien parmi les biens de la vie d'ici bas. Tu espères pour cela, lorsque tu lui fais le complément à cette personne-là, tu veux, c'est pas parce que tu l'aimes, parce que tu cherches un profit. Il y a une maslaha dans le fait que tu fasses cela. Ça, c'est la différence entre al-hamd ou al-madh. Al-hamd, il est fait par amour et na'am vénération. Al-madh, la. Donc, al-madh, tout kullu hamd, c'est un madh. Toute louange, c'est un compliment. Et tout compliment n'est pas forcément une louange. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour et la vénération. Al-farq bayna al-hamd wa shukr. Al-hamd, يحمد الله عز وجل على كل حال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال que ce soit dans la difficulté ou bien dans la facilité. أما الشكر c'est pour lorsque Allah عز وجل tu le remercies d'un bien qu'il t'a donné. Il t'a donné un bien et tu le remercies. Donc c'est pas une épreuve à survient sur une personne et dit أشكر الله عز وجل. Là, tu dis الحمد لله. Si une épreuve te touche, tu dis الحمد لله. أما si une épreuve te touche, tu dis أشكر الله لا الشكر في كوا مقابل النعم c'est lorsque Allah Azza wa Jalla il te rétribue d'une ni'ma تمام que tu remercies Allah Azza wa Jalla en disant تشكر الله Azza wa Jalla تمام tu le remercies. أما lorsque c'est une difficulté tu dis الحمد لله que ce soit dans la difficulté ou bien dans la facilité. Donc الحمد il est أعم منه تعلقا, c'est-à-dire que on regarde pas la situation dans الحمد لله. أما الشكر tu regardes la situation, il faut que ce soit la situation soit bonne, c'est-à-dire lorsqu'on te donne un bienfait. Wa shukr il est aam, il est plus global que alhamd, car le shukr c'est bil lisan, bil qalb wa bil jawarih. Par trois choses. Bil lisan tu remercies Allah Azza wa Jal. Bil qalb tu le remercies. Et kadhalika bihi bil jawarih. C'est-à-dire que ce qu'il te donne, tu le dépenses dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Am alhamd c'est par le cœur et c'est par la langue et pas par le jawarih. Donc chacun des Alhamd wa shukr, il est aham min al-akhar. Il est plus global que l'autre. Ça, c'est différent, inshallah, min bab al-fayda. Qala alhamdulillahi al-aliyy al-arfaqi. Il a loué Allah Azza wa Jal par son ism qui est al-ali. Al-ali, c'est celui qui est haut. Et al-ali, c'est un ism qui contient la sifa de l'ulu. Al-ulu, fi haqqi Allah subhanahu wa ta'ala, thalatha. Ulu al-dhat, ulu al-qadr, wa ulu al-qahr. Ulu al-dhat, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de nous. Wa huwa al-qahir fawqa 'ibadi. Il est au-dessus de tout l'univers, de toute sa création. Ulu al-qadr, c'est que les sifats d'Allah azza wa jal, elles sont toutes parfaites. Elles sont toutes parfaites, comme a dit Jalla wa ala, wa lillahi al-mathalu al-a'la. C'est lui qui a les attributs les plus grands. Wa ulu al-qahr, c'est celui qui domine toute sa créature. Il n'y a personne qui est au-dessus de, d'Allah azza wa jal. C'est celui qui, lorsqu'il leur donne une chose, qala lahu kun fayakun wa la yatakhallaf. Lorsqu'il leur donne une chose, son ordre, il arrive, il n'est pas, il ne s'absente pas. Tamam, il s'absente pas. Qala al-arfaqi. Alhamdulillahi al-aliyy al-arfaqi. Al-arfaqi, c'est ismu tafdil min al-rifq. Tamam, c'est un pronom superlatif de al-rifq, de la douceur. Yani le plus doux. Lakin al-arfaq, c'est pas un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, lakin yajuz an yukhbaru bih. Tamam, que tu informes une chose sur Allah Azza wa Jal en utilisant ce superlatif-là, en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le plus doux, car il est qualifié de la, du qualificatif de la douceur. Lakin, est-ce que c'est un ism min asma'ihi? Là. Car l'asma, c'est ma'ruf, yani mutawakifa ala ad-dalil. Tu ne peux attribuer un nom à Allah Azza wa Jal que si jamais un dalil du kitab de la sunna ou de l'ijma' est venu. والرفق الله عز وجل إليه كلفه الرفق كما جاء في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء. Et parmi الرفق qui est bon d'évoquer inshallah dans طلب العلم parce que Allah عز وجل plutôt Nabi Sallam il a dit إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء. Il aime la douceur, Allah subhanahu wa ta'ala est doux et aime la douceur dans toutes les choses. Comme on dit les ulama, العلم وطلب العلم c'est une chose. C'est une chose, pourquoi? Parce que elle est abstraite et elle est présente. C'est une chose. Donc, quelle est la douceur qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime dans l'ilm, plutôt talab l'ilm, comme a dit l'ulama, an ta'khudh l'ilm shay'an fa shay'an. Tu prends l'ilm petit à petit. Comme a dit l'imam Zahri, man talaba l'ilm jumla, zahaba ou man rama l'ilm jumlan, zahaba anhu jumlan, wa innama yutlabu l'ilm ala mar al-ayam wa al-layali. Celui qui veut prendre la science d'un seul coup, elle va lui disparaître d'un seul coup. Lakin, la science s'étudie jour après nuit. Tamam, jour après nuit. Donc ça c'est al-rifq fi talab al-ilm. C'est-à-dire, tu prends livre par livre et ensuite, yani, petit à petit, tu grimpes dans la science. Mais celui qui veut prendre la science d'un coup, il ne pourra pas l'apprendre. Qala rahmallahu ta'ala, alhamdulillahi al-ali al-arfaqi wa jami' al-ashya'i wal-mufarraqi. Wa jami' al-ashya'i wal-mufarraqi. Kazalika, jami' al-ashya'i wal-mufarraqi. Il a fait l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala par des choses sur lesquelles il est possible de, d'informer et d'évoquer Allah Azza wa Jal, mais qui ne font pas partie de ses asma et ni kazalika de ses sifat. Ou plutôt, afwan, il ne faut pas partie de ses asma. Amma sifat, na'am. Kama fi qala subhanahu wa ta'ala, Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fi. Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Tam sifat al-jam', celui qui va réunir, na'am, les créatures, yam al-qiyama, elle est thabitatun lillah. Elle est attribuée à Allah Azza wa Jal. Mais est-ce que c'est un ism parmi les ism? Ça, ça demande un dalil. Ça demande un dalil en plus. Donc, na'am, jami' al-ashya wal-mufarraqi. C'est-à-dire qu'il a qualifié Allah Azza wa Jal, plutôt il a informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui réunit les choses, et kazalika, qui différencie les choses qui ont une similitude, qui sont similaires, et les choses qui ont qui ne sont pas similaires, qui ont des différences. Tamam. Et ça, ça s'appelle dans ilm al-balagha, bara'atu al-istihlal. C'est-à-dire, مثلاً, lorsque tu vas écrire une chose parmi, dans une science qui est bien précise, lorsque tu fais la muqaddima, la préface de l'ouvrage ou bien de la risala que tu veux écrire, il fait partie de al-balagha de ramener dans cette préface-là les choses qui vont laisser entendre le sujet que tu vas évoquer. Donc le fait qu'ils disent « jami'i al-ashya wal-mufarraqi » comme on l'a pu voir, « al-qawa'id » C'est quoi sa faïda? C'est qu'un ash a réuni et a regroupe les cas qui sont similaires et ni sous le même qaïda. Et kadhalika, le fait que tu connaisses les cas qui sont similaires, ça va te permettre de connaître les choses qui sont différentes. Donc ça s'appelle bara'atu al-istihlal, le fait d'évoquer dans ta préface, sans vraiment évoquer des termes qui sont clairs, avec des termes qui laissent entendre ce que tu vas évoquer dans ta risale, plutôt dans ta risala. Ça s'appelle bara'atu al-istihlal. Ça fait partie d'al-balara fi al-kalam. قال ذي النعم واسعة الغزيرة والحكم البهيرة الكثيرة. Il a, il est toujours dans la phase de faire l'éloge sur Allah subhanahu wa ta'ala en le louant comme étant celui qui a beaucoup de ni'mah, un ni'mah qui sont larges et qui sont abondantes. وكذلك celui qui a les hikam al-bahira al-kathira. Al-bahira, c'est ceux qui sont qui vont t'abasourdir, qui sont tellement splendides et l'akhirihi que avant t'abasourdir. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Si vous mettez à dénombrer les bienfaits d'Allah azza wa jalla, vous ne saurez les dénombrer. Pourquoi? Car les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont kathir. Comme a dit jalla wa ala, ma 'indakum yanfad wa ma 'inda Allah baq. Les choses que vous avez auprès de vous sont vouées à disparaître. Wa ma 'inda Allah baq. Mais les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala est qualifié et possède ne se finissent pas, sont éternelles. Baqin. قال رحمه الله تعالى ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. Ensuite, après avoir énoncé l'alhamdulillah et avoir fait l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala bima huwa ahlu, il a fait suivre cela par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو عالية كما رواه الإمام البخاري هو ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il évoque son messager en bien devant la plus noble des assemblées qui sont les anges. Et كذلك ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala les évoque dans une assemblée qui est beaucoup bien meilleure. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من. Et s'il m'évoque en lui-même, je vais l'évoquer كذلك. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je vais l'évoquer dans une assemblée qui est bien meilleure que celle dont il m'a évoqué. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il évoque son serviteur, c'est un signe de que Allah subhanahu wa ta'ala il l'aime et il a un statut auprès de lui. كما حصل ذلك مع أبي بن كعب. Lorsque النبي صلى الله عليه وسلم est venu lui dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné que Ubay lise sur lui سورة البينة, فقال رضي الله عنه أسماني, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a nommé? Il a dit نعم. فبكى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فرحا من أن الله سبحانه وتعالى ذكره. Il a été très heureux que Allah subhanahu wa ta'ala l'ait cité, jusqu'au point même il a pleuré. Jusqu'au point qu'il a pleuré. Donc le fait qu'Allah azza wa jal t'évoque, il faut être satisfait et il faut faire les causes pour cela, car c'est un bien. Car Allah subhanahu wa ta'ala te veut un bien par cela, qui t'évoque auprès de la plus noble des assemblées qui est l'assemblée des anges. Alladhina la ya'suna ma, ou la ya'suna Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun, kama wasaf Allah subhanahu wa ta'ala malaikatah. Na'am, une faïda kadhalika. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il a évoqué que as-salat 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, après avoir évoqué la parole d'Abu Aliya, elle a kadhalika pour sens ad-du'a wa at-tabrik wa kadhalika al-ibada. Tam? Ou plutôt yani as-salat yani fi al-shar' fi l'islam, ça comporte ces manières, ces sens-là, soit al-ibada ou soit ad-du'a ou soit at-tabrik. Amma al-ibada fa ma'ruf, yani as-salat ma'ruf. Yani salat al-ibada ma'rufa. تمام. أما الصلاة بمعنى الدعاء كما في قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. تمام. Dans cette آية là, الله سبحانه وتعالى a ordonné à son messager de faire des invocations pour ceux qui donnent la zakah, pour ceux qui donnent la zakah. وكذلك يعني أن الصلاة من معانيها التبريك, c'est-à-dire demander la baraka. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجيب فإن كان صائما فليصلي عليه. Lorsque l'un d'entre vous est appelé à un repas, qu'il réponde à l'invitation. Et si jamais il est صائم, il a dit Nabi Sallam qu'il prie sur lui, c'est-à-dire kama fasarahu, comme le prophète Sallam l'a lui-même expliqué, ay falyad'u lahum bil baraka. Ash ma'na falyusalli laha, yani falyusalli alayhi, al falyad'u lahum bil baraka. Qu'il demande pour cette personne-là qu'il a invité à manger, qu'il demande que Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse, donc que Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse. Donc demander à salat à Nabi Sallam kadhalika, c'est ad-du'a lahu wa kadhalika talab al baraka lah. Comme l'a évoqué Cheikh وقلت الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في جلاء الأفهام donc il a dit ثم صلاة مع سلام دائم c'est comme s'il disait صلى الله عليه وعلى آله وسلم مد الحياة دائما وأبدا par cette formule il prie et sur le prophète صلى الله عليه وسلم de manière continue على الرسول القرشي الخاتمي قال ثم صلاة مع سلام دائم يعني أبدا دائما على الرسول القرشي الخاتمي الرسول معروف الرسول il est bon d'évoquer pour cela يعني الفرق بين الرسول والنبي الرسول comme l'a évoqué l'imam on va lire même le passage de l'imam Ibn Taymiyyah car beaucoup de paroles ont été évoquées pour la définition de الرسول لكن peu sont ceux qui ont vraiment donné la définition qu'il fallait قال رحمه الله تعالى النبي هو من ينبئ بما أنبأه الله به il dit النبي c'est celui dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une révélation et qui révèle à sa communauté ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. On ne peut pas l'appeler messager. Tu ne peux pas appeler un nabi rasoul inda al-itlaq, yani de manière générale. Pourquoi? Parce qu'il y a des différences entre al-rasoul et al-nabi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il a certes qualifié les anbiya comme rasoul, comme Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalna min rasoulin wa la nabiyin illa alqa shaytanu fi umniyati. Nous n'avons envoyé de prophète et ni de messager, donc Allah Azza wa Jalla a employé le mot arsala. Donc tu peux utiliser le mot rasoul pour le nabi, lakin pas de manière absolue. Pourquoi? Parce que dans certains cas, tu ne peux pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre un nabi ou un rasoul. قَالَ لِيَنَّهُ لَمْ يُرْسَلْ إِلَىٰ قَوْمٍ بِمَا لَا يَعْرِفُونَهُ. Pourquoi tu ne peux pas l'évoquer d'une manière générale? Tu ne peux pas dire d'un rasoul, plutôt d'un nabi que c'est un rasoul. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été envoyé à toute l'humanité. Il a été envoyé à des personnes, comme il va l'évoquer, un cheikh d'islam, qui croit à la révélation avec laquelle il est venu. Ils ont été envoyés vers un peuple qui sont croyants. C'est-à-dire qu'un peuple qui avait déjà une prophétie, et ce rasoul, plutôt ce nabi, il vient pour rajouter des choses qui n'ont pas été évoquées dans la prophétie qui était révélée avant celle qu'il est venu avec. Il vient pour compléter. Il vient pour compléter la prophétie de celle qui a été envoyée avant lui vers un peuple qui croit à cette prophétie-là. Qala kal alim. Il dit al-Nabi, ou plutôt al-Nabi, il a la place du alim dans la communauté. Qala falidhalika qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-ulama warathatu al-anbiya. Les ulama, ce sont les héritiers des anbiya, des prophètes. Ce sont les héritiers des prophètes. Pourquoi? Car ils ont à peu près le même statut dans la société. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont envoyés vers des personnes qui croient à ce que tu leur ramènes. Qala idh an-nabi ya'mal bi shari'ati man qabla. Qala fa al-anbiya ya'tihim wahyu min Allah subhanahu wa ta'ala bima yaf'alunahu wa ya'muruna bihi al-mu'minina allatheena 'indahum. Fa al-anbiya, ce sont ceux qui viennent avec une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils l'appliquent sur eux-mêmes et kadhalika pour qu'ils ordonnent à ceux vers lesquels ils sont envoyés, c'est-à-dire les mu'minoun, afin qu'ils œuvrent kadhalika. Donc ceux qui disent que un nabi c'est celui qui n'a pas été ordonné de transmettre, ça c'est un qawl qui est batil. Comment ceci peut être possible alors que les ulama, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de transmettre. Wa idha akhadallahu mithaqa alladhina utul kitab latubayyinannahu lin-nas. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris pour engagement aux gens du livre, que vous devez éclaircir aux gens et transmettre aux gens. Donc comment les ulama, Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne cela, et aux anbiya qui sont beaucoup plus élevés que les ulama, on leur donne, il leur a pas ordonné de transmettre. Donc ça c'est un qawl qui est batil. Ceux qui disent que un nabi c'est celui quoi, lam yu'mar bi tabligh, c'est celui qui on n'a pas ordonné de transmettre. Ça c'est un qawl qui est batil. Donc comme a dit le cheikh Islam هنا فالانبياء ياتون ونعم فالانبياء ياتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم parce qu'ils croient en la révélation avec laquelle ils sont venus. قال والرسول هو من أنبأه الله وأرسله إلى من خالف أمره ليبلغه رسالة من الله سبحانه وتعالى إليه فهو الرسول. Et le Rasoul, c'est celui qui a été envoyé vers un peuple qui est quoi? Qui est hostile à ce que, à la révélation par laquelle est venu ce Rasoul. Donc à partir du moment qu'il est envoyé vers un peuple qui est hostile, qui sont sur une doctrine qui est contraire à celle par laquelle est venu ce Rasoul, on appelle ça quoi? Un Nabi. Plutôt, on appelle ça un Rasoul, un messager. Comme il y a un hadith Ibn Abbas, « بين آدم ونوح عشر قرون كلهم على توحيد حتى أحدث الشرك في قوم نوح أرسله الله سبحانه وتعالى نوحا. » Entre Adam et Noé, il y avait 10 siècles, et entre ces 10 siècles-là, ils étaient tous en tawhid, jusqu'à ce que le peuple de Noé, ce sont les personnes qui ont commis le shirk, et ensuite Allah Azzawajal, il a envoyé Noé afin de les appeler au tawhid. Donc ça nous prouve qu'ils étaient plus sur la doctrine sur laquelle, ou plutôt sur une doctrine autre que celle par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé Noé. قال فالرسول من أرسل إلى الكفار يدعونهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. Ar-Rasoul, c'est celui qui est envoyé vers les kuffars pour les appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'adorer sans lui vouer d'associer dans l'adoration. قال ولا بد أن يكذب الرسول قوم. Celui, Ar-Rasoul, lorsqu'il est envoyé, la بد كذلك أش que le peuple, ils vont lui montrer une adversité. كما قال سبحانه وتعالى وكذلك ما أتى وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر ومجنون. Ar-Rasoul, la بد من شتم. La Bouddha qui se fasse insulter, la Bouddha qu'il est qualifié par les pires des critères, comme ça a été le cas du prophète Salim, ils l'ont dit Majnoun, ils l'ont dit Sahir. Tam, il a khidhi parmi les choses. Qala wa ma yuqalu, katalika qalu subhanahu wa ta'ala, ma yuqalu laka illa ma qad qila rusul min qablik. Ils te diront les insultes qu'ils ont pu dire aux prophètes qui t'ont précédé. Qala fa inna rusul tursal ila mukhalifin. Ar-Rusul, c'est ceux qui sont envoyés à ceux qui sont contraires à la doctrine par laquelle il est venu. ويكذبون بعضهم فالرسول يسمى رسولا على الإطلاق. أما الرسول tu l'appelles messager de manière absolue. Pourquoi? Car il est envoyé à ceux qui sont kuffars. Et كذلك من باب أولى ceux qui sont مؤمن. Donc tu peux le qualifier comme étant messager de manière absolue. لأنه يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة. Et dit ça fait pas partie de la condition des messagers qui viennent avec un din qui est jadid, avec un din plutôt une révélation qui est nouvelle. Comme c'est le cas de Youssouf, il était sur le din de Ibrahim et de ses pères. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié comme étant un rasoul. Malgré cela, il était venu avec quoi? Il avait la même risala que ses pères. Donc ce n'est pas une condition pour juger que c'est un rasoul qui vient avec une nouvelle sharia. La condition qui est conditionnée pour faire la différence entre un nabi ou un rasoul, c'est que quoi? Un nabi, c'est celui qui est envoyé vers un peuple qui est mu'min. Ou Ar-Rasoul, c'est celui qui est envoyé vers un peuple qui est hostile et kuffar. Et c'est pas pour autant que on ne peut pas trouver dans les peuples vers lesquels on est envoyé l'anbiya que tu vas trouver des personnes qui sont hostiles, qui vont lui vouer une adversité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Et c'est ainsi que nous avons décrété pour chaque prophète un ennemi parmi les criminels, un ennemi parmi les criminels. Donc ils trouveront des ennemis. Ils trouveront des ennemis. Et ça, c'est la hikma d'Allah Azzawajal et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui suit le haq. Comme a dit Naam, Waraqat ibn Nawfal, ma ata rajulun mimma bimithli ma ji'ta bi illa udi. Toute personne qui vont venir avec la révélation avec laquelle tu es venu, ils seront quoi? Ils sont quoi? Ils sont éprouvés. Ils sont éprouvés. Donc ça, c'est la sunna d'Allah Azzawajal sur les personnes qui suivent le haq. قال رحمه الله تعالى ما في نور القرشي معروف قرشي il a attribué le prophète sallam à qui à son grand-père et c'est son 16e plutôt son 12e grand-père vers le 12e grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa quraish c'était son surnom et le prénom de quraish était an-nadr ibn kinana an-nadr ibn kinana c'est le nom de quraish tribu vers laquelle est affilé le prophète sallallahu alayhi mais c'était une tribu qui était vraiment connue chez les Arabes et parmi les plus grandes tribus. Parmi les plus grandes tribus et les plus nobles, Kazalika, parmi les tribus. Le dalil qui nous prouve que Quraysh, son prénom, c'est Nadr ibn Kinana, hadith Al-Ash'ath ibn Qais. Qui se rappelle qui est Al-Ash'ath ibn Qais? Inch'Allah, écrivez-le si vous pouvez et je lis le hadith. Dans lequel il a dit, lorsqu'il est venu, ma'a wafd ibn Kinda, qala faqultu li nabi sallallahu alayhi wa sallam, ألستم منا يا رسول الله قال لا نحن بنو نضر تمام ابن كنانة الحديث اللي رapporté par l'imam Ahmed est authentique. Lorsque Al-Ash'at ibn Qais رضي الله عنه il est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم avec un comité, il a dit n'est-ce pas que tu fais partie de nous, yani on est du même, on a un même lien de parenté. Le Nabi sallam il a dit non, on est différent, car je viens de Banu, ou plutôt de, je suis de la descendance de Nadr ibn Kinana. Nadr ibn Kinana, ma'ruf, c'est celui qui a quoi c'est celui qui est appelé Quraysh. Naam. Al-Ash'at ibn Qays, c'est celui, c'est le compagnon qui a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il a apostasié après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et avant sa mort, il est revenu sur l'islam. Donc ça, ça fait partie des sahabi que, comme on avait pu évoquer dans Al-Bayankouniya, que l'apostasie, si jamais la personne y en est, le sahabi qui a apostasié, s'il est revenu avant sa mort, ça n'enlève pas le titre de quoi de sahabi. Donc c'est Ash'at ibn Qays, un des compagnons. Parmi les compagnons, à qui est arrivée cette mésaventure avec Alhamdulillah, l'aqibatul muttaqin. Ça s'est bien fini. Pour les Inch'Allah, pour conclure, on va évoquer certains mérites de Quraysh, Inch'Allah, et à la prochaine fois, on continuera, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, le poème. Min fada'il Quraysh, car ça fait partie de l'amour envers le prophète sallam de connaître Yaniyash, sa descendance. Comme a dit le prophète sallam, hubb al-ansar min al-iman, le fait de connaître l'ansar, la fada'il, leur mérite, leur vertu et la khiri, il dit ça fait partie de l'iman. Donc ça c'est pour l'ansar. Donc que dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de connaître sa descendance et la khiri, de savoir qu'il est d'une grande lignée, kazalika, ça fait partie de l'iman. Ça fait partie de l'iman. Dit à Aïcha radiallahu anha, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayha, taqala nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, lawla an tabtara Quraysh, l'akhbartuha bima laha indallah azza wa jal. Lorsque Aïcha est venue auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'aurait été que Quraysh ont un certain côté, un certain point d'orgueil, je leur aurais transmis les bienfaits et le bien qu'ils ont auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un peuple, une tribu qui a une grande valeur auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ou le hadith, il a été rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Mukbel, alayhi rahmatullah. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam a qal, kama fi hadith Jubair ibn Mut'im, qala Rasulullah sallam, inna li Quraysh mitli, ou mitlay, quwwat al-rajul min ghayri Quraysh. فقيل لزهري ما معنى ذلك فقال نبل رأي أقريش أن بسم الله les a qualifiés comme étant une tribu dont l'individu parmi eux il a la puissance de deux parmi les arrijal. Ensuite Zuhri il a été demandé qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par cette parole là قال نبل رأي. Ce sont des personnes qui sont connues pour avoir des points de vue qui sont quoi, qui sont nobles, pour avoir des nobles, pour être noble et né dans les points de vue, des points de vue qui sont nobles. On va vous poser une question vite fait. Si مثلا on aurait dit in al quraishi مثل قوة الرجل من غير قريش نعم نبل الرأي sans évoquer la parole de Zuhri. Parmi quelles catégories, parmi les catégories du hadith, vous le replacez ce hadith là. Al hadith, ce qui a été dit. Au fait, j'ai évoqué la parole du prophète sallam, ensuite j'ai évoqué la parole de l'imam Zuhri qui va venir pour expliquer ce qu'a voulu dire Naham al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si jamais j'aurais retiré la parole de l'imam Zuhri, et je l'aurais lié directement avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de quelle catégorie, parmi les catégories des hadiths, vous l'aurez placé ce hadith-là? Là. Que là, j'ai évoqué la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que là, je ne fais pas de distinction entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de Zuhri. Je lis entre les deux paroles, pour en faire une, pour vous faire croire que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Attention, ne partez pas vers Tadlis, c'est pas Tadlis. Al-Mudaraj. Naam. Naam, c'est Al-Mudaraj. Wal-Mudarajatu fil hadith ma atat min ba'di al-fadhir ruwati tassalat. Naam. Celui dont il y a un rajout, c'est Al-Mudaraj. Naam. Donc, dans ce hadith-là, il est dit Inna al-Qurashi, mithla al-Qubat al-Rajul min ghayr Quraysh. Al-Qurashi, c'est celui qui attribue la tribu de Quraysh, il a deux fois plus puissant qu'un homme qui est en dehors de la tribu de Quraysh. Faqil al-Zuhri. Qu'a voulu dire le prophète sallam par cette parole-là? Qala nubl al-ray. Ce sont des personnes qui sont connues pour avoir des points de vue qui sont quoi? Qui sont nobles. Wa kadhalika min fadl Quraysh. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna li ala Quraysh haqqan wa li Quraysh alaykum haqqan. Ma hakamu fa'adalu wa tuminu fa'addu wa sturhimu fa'rahimu wa man lam yafal dhalika minhum fa'alayhi la'natullah. Le hadith il est quoi? Rapporté par tous ces hadiths sont rapportés par Cheikh Mokbel dans son livre Al-Jami' al-Sahih, sont tous authentiques. Dans ce hadith-là apporté par Abu Huraira, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam montre la valeur de Quraysh en disant que Quraysh, ils ont un droit sur moi et j'ai un droit sur Quraysh. Il dit ces personnes-là, lorsqu'ils jugent, ils sont justes dans leur jugement. Ils font preuve d'équité dans leur jugement. Lorsqu'on leur confie un dépôt, il a tuminu ad-dumu alayhim. Lorsque tu leur confies un dépôt, les gens de Quraysh, de manière générale, ils s'acquittent de ce dépôt-là. Wa istarhimu farahimu. Et lorsque tu leur demandes d'être doux, de faire preuve de miséricorde vers une autre personne, tu les vois faire de preuve de miséricorde. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yani mutawahhidan lahum, en menaçant ceux qui ne font pas ces choses-là parmi Quraysh, car c'est un honneur qu'Allah azza wa jalla leur a donné. Qala fa man lam yaf'al dhalika minhum fa alayhi la'natullah. Et celui qui n'est pas qualifié de ce genre de choses-là, c'est-à-dire lorsqu'il juge, il est injuste dans ses jugements, ou qui trompe lorsqu'on le donne un dépôt, ou qui est dur lorsqu'on demande d'être doux, il dit fa'alayhi la'natullah. Yani c'est encore plus chadid. Quraysh, ceux qui sont injustes parmi les gens de Quraysh, yani leur injustice, elle est beaucoup plus grande que l'injustice d'une personne normale qui est en dehors de la tribu de Quraysh. Donc ils ont des fada'il, cette communauté là, cette tribu là, elle a des fada'il, lakin kadhalika, ces fada'il là, si jamais elles ne sont pas placées, ça devient des gros ukouba, ça devient des grosses ukouba, des grandes sanctions. Qala, pour finir, al-khatami, la ma'ruf, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est khatam al-anbiya. C'est le dernier des anbiya, comme qala Allah azza wa jal. Walakin rasulallah ma kana muhammadin aba ahadim min rijalikum, walakin rasulallah wa khatam al-nabiyyin, walakin rasulallah wa khatam al-nabiyyin, wa nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, la nabiy ba'di wa la rasul. Il n'y a pas de prophète, il n'y a de messager après moi. Donc, ça c'était yani pour faire une petite mukaddima, même si on a tardé à fond par rapport à cela. Mukaddima de cette risala. Et Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, donc à 8h, Inch'Allah, à 8h, Inch'Allah, vendredi, on poursuivra les vers de cette poésie-là. Donc, kadalika, on s'enjoint de l'apprendre. Même celui qui peut l'apprendre, il l'apprend. Et celui qui ne peut pas l'apprendre, Inch'Allah, il répète beaucoup de fois. Il le répète beaucoup de fois. Comme ça, ça va le permettre de savoir yani, qu'est-ce que contient cette poésie-là. Qu'est-ce que contient cette poésie-là. Et il pourra, yani, de manière simple, revenir sur cette poésie-là lorsqu'il aura un problème ou si jamais il l'a oublié. Au moins, il sera de... Qu'est-ce qu'elle comporte cette poésie-là? Le fait qu'il la répète plusieurs fois. Mais on s'enjoint de l'apprendre, Inch'Allah, et kazalika, c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, on se contente de cela. S'il y a des questions, Inch'Allah, sinon, on va poursuivre dans un prochain cours. مع تحية دماج.fr.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.